Chapitre 12e. Surprise. À peine Cécile fut-elle arrivée, qu'elle écrivit à Londres un billet à chacun de ses tuteurs pour les prier, si rien ne s'y opposait, de permettre que leur entrevue eût lieu le lendemain. Elle reçut tout de suite les deux réponses suivantes. La présente à Mademoiselle Cécile Beverley. 8 novembre 1779. Miss, j'ai reçu la vôtre de même date. Je ne saurais venir demain, je viendrai mercredi le 10. Je suis, etc. Jean Briggs. À Miss Beverley. Monsieur Delville est trop accablé d'affaires importantes pour donner de rendez-vous avant d'avoir mûrement délibéré sur le temps où il peut le fixer. Monsieur Delville fera savoir à Miss Beverley le moment où il lui sera possible de l'avoir. Place Saint-James, 8 novembre. Ces lettres, qui caractérisaient si bien ceux qui les avaient écrites, qui dans toute autre occasion auraient diverti Cécile, ne servirent qu'à la tourmenter. Elle désirait fort de s'en retourner. Elle aurait encore plus souhaité que son entrevue avec M. Delville n'eût pas été différée. Elle prévoyait que dans ce moment, où il était irrité contre elle, il ne manquerait pas de pousser la fierté et l'arrogance jusqu'à la grossièreté. Souhaitant cependant n'avoir pas besoin de les voir séparément, elle aurait voulu que ces deux tuteurs se fussent rencontrés ensemble et qu'après leur avoir parlé, ce qui ne pourrait se terminer alors, se finit ensuite par lettre. Elle écrivit de nouveau à M. Briggs pour l'informer du délai que demandait M. Delville. Elle le pria de ne point se donner la peine de venir qu'elle ne le fît avertir. 2 jours s'écoulèrent sans qu'elle eût de leurs nouvelles. Elle les passa presque toujours seule. Le 3e, dans la matinée, ennuyée de ses tristes et continuelles réflexions, ainsi que de l'aspect sombre de la mauvaise humeur de Milady, et encore plus des bassesses de la demoiselle Bennet, elle se rendit chez son libraire pour voir les nouveaux ouvrages et choisir, pour emporter avec elle en province, ceux qui lui paraîtraient le mériter. En entrant dans la boutique, elle trouva le libraire en conférence avec un homme très mal vêtu et fort enveloppé dans sa redingote, qui paraissait s'entretenir très sérieusement et qui lui dit, précisément à l'instant où elle s'approcha, « Les conditions me sont très indifférentes, car composer n'est point un travail pour moi. Au contraire, j'en ai de tout temps fait mon principal amusement. En conséquence, ce n'est point un vil salaire qui m'engage à choisir cette vocation. » Ces paroles frappèrent Cécile, et elle fut encore plus étonnée du son de la voix qui les prononçait, c'était celle de Belfield. Elle s'arrêta tout à coup pour le fixer. Le libraire, l'ayant alors aperçu, fut à elle. Et Belfield, se tournant pour voir la personne qui les interrompait, fort interdit en l'apercevant, enfonça son chapeau sur ses yeux et sortit brusquement. Cécile, très étonnée d'une métamorphose si subite et de ce qu'elle avait entendu, eut le plus grand désir de connaître la situation actuelle de Belfield. Et après avoir mis quelques livres à part, elle demanda si la personne qui venait de s'en aller et qu'elle avait reconnue à son discours pour un auteur avait déjà publié quelque chose. « Non, madame, répondit le libraire, rien d'un peu important. On sait pourtant qu'il a donné quelques brochures auxquelles il n'a pas mis son nom. Et j'imagine que nous ne tarderons pas à voir sortir de la presse quelque ouvrage considérable de sa façon. Il est donc occupé de quelque grande entreprise ? Mais non, ce n'est pas précisément cela. Peut-être, à présent, convient-il d'essayer et de sonder le goût du public par quelque essai, par quelque production courte et badine, avant d'entreprendre un ouvrage sérieux. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a beaucoup de génie, et je suis persuadé qu'il donnera quelque chose de très extraordinaire. » Cécile ne jugea pas propos de pousser plus loin ses questions. Elle se contenta de demander un exemplaire de ce qu'il publierait. La vue de Belfield lui avait rappelé l'aimable Henriette que ses inquiétudes et ses chagrins avaient pour un temps effacé de sa mémoire. Elle ne s'était occupée que de Delville, mais l'estime qu'elle avait toujours eue pour cette aimable fille réveilla chez elle le désir de cultiver une liaison si longtemps négligée. Ses scrupules au sujet de Delville n'existaient plus, et tout l'invitait à rechercher le seul plaisir qu'elle put avoir. Elle se rendit dans la rue de Portland. Henriette poussa un cri en la voyant. Elle eut peine à contenir sa joie et sa surprise, et courant à elle, la serra dans ses bras avec la plus vive émotion, et tout de suite, s'éloignant un peu d'un air timide et honteux, elle lui demanda humblement pardon de sa hardiesse. « En vérité, ma chère Miss Beverley, ce n'est point manque de respect de ma part, mais j'ai été si aise de vous voir que je me suis un peu oubliée. » Cécile, enchantée d'une réception aussi cordiale, l'eut bientôt rassurée par les remerciements qu'elle lui fit de penser encore à elle, et lui prodigua à son tour les plus tendres caresses. « Dieu nous soit en aide, mademoiselle !» s'écria Madame Belfield. « Henriette, pourquoi tourmentez-vous ainsi, mademoiselle ? Je ne vous ai jamais vue agir de cette manière. » Miss Beverley, madame, répondit sa fille, a la bonté de me pardonner, et j'étais si surprise de la voir qu'à peine ai-je su ce que je faisais. Mademoiselle, dit Madame Belfield, vous avez eu du moins, je le suppose, des nouvelles de mon fils. Il a disparu, et est allé personne ne sait où. Il a quitté la maison de ce seigneur, où il ne tenait qu'à lui d'être heureux comme un roi, et il erre dans le monde et sur la surface de la terre sans qu'on sache pourquoi. Réellement, dit Cécile, qui l'ayant rencontré à Londres, en avait conclu qu'il était venu rejoindre ses parents, et ne vous a-t-il point informé du lieu qu'il habitait ? Non, mademoiselle, non, s'écria Madame Belfield. Il n'a pas seulement dit où il allait, et il m'a caché soigneusement son dessein, car s'il m'en avait dit un mot, je serais encore capable de ne pas avaler une seule tasse de thé d'un an entier, qu'il ne fût rentré chez ce Milord qui, selon moi, n'a pas son pareil dans les trois royaumes. Il a envoyé ici 20 fois pour savoir de ses nouvelles, ce qui m'étonne d'autant moins que j'ose dire que tout Milord qu'il est, il ne trouvera pas sitôt quelqu'un qui vaille mon fils. Je suis fâché, dit Cécile, de cette conduite de sa part, mais je suis persuadé que vous ne tarderez pas à recevoir des nouvelles. Fatigué déjà des propos si plats qu'indiscrets de Madame Belfield, et ne voyant pas d'apparence de pouvoir s'entretenir en particulier avec Henriette, elle se leva pour prendre congé. Elle s'arrêta un instant dans le corridor pour lui demander quand il lui serait possible de la trouver seule. Henriette l'assura que si elle daignait se donner la peine de passer quelques jours dans la matinée, elle pourrait se voir plus à leur aise et ajouta « En vérité, je le désire fort, car je suis très malheureuse et n'ai personne à qui je puisse confier mes chagrins. Ah, Miss Beverley, vous qui avez tant d'amis et méritez d'en avoir encore plus grand nombre, vous ignorez combien il est dur de n'en point avoir. Mais la manière étrange dont mon frère a disparu nous a presque mis au désespoir. » Cécile se préparait à la consoler par les assurances qu'elle se proposait de lui donner de sa santé et de son existence, lorsqu'elle fut interrompue par M. Albany, qui parut tout à coup. Henriette le reçut d'un air gracieux et lui demanda pourquoi elle avait été si longtemps sans le voir. Mais surpris de rencontrer Cécile, il s'écria sans lui répondre « Pourquoi m'as-tu trompé ? Pourquoi me donner un rendez-vous dans une maison que tu savais devoir quitter ? Toi, à qui les promesses ne coûtent rien, toi qui avais surpris mon estime, toi qui m'avais vainement présenté une perspective riante et flatteuse. Vous vous pressez trop de me condamner, répondit Cécile. Si j'ai manqué à ma promesse, ce n'a point été un caprice ni un dessein de vous en imposer, mais un malheur réel et très sensible qui m'a mis hors d'état de la tenir. Je serai cependant bientôt, ou pour mieux dire, je suis actuellement à votre disposition. Vous n'avez qu'à me faire connaître ce que vous désirez. Je désire toujours et en tout temps des secours de la part des gens riches, car je ne cesse point de m'attendrir sur le sort des pauvres. Venez donc me trouver chez M. Monckton, lui dit-elle, et prenant congé d'Henriette, elle partit. Ce n'avait pas été sans beaucoup de peine qu'elle n'avait pas communiqué ce qu'elle savait de Belfield à sa mère et à sa sœur, qui en étaient si fort inquiètes. Mais ignorant absolument son dessein, et sachant combien il souhaitait de rester caché, elle craignit que son trop d'empressement à le découvrir ne lui déplût, et elle crut que le parti le plus sage était de ne rien dire. Cependant, désirant abréger une incertitude aussi douloureuse, elle résolut de prier M. Monckton de tâcher de le découvrir. Lorsqu'elle rentra chez lui, il était dans une situation d'esprit peu agréable. L'absence de Cécile l'avait inquiété. Il s'était flatté qu'habitué à prendre toujours ses conseils, elle ne ferait aucune démarche sans l'en prévenir, et comptait l'amener enfin au point de ne pouvoir se passer de lui. Il vit aussi avec une sorte de peine qu'elle eût cherchée par cette sortie à dissiper son chagrin. Ce n'est pas qu'il souhaitât qu'elle s'ennuyât, mais il aurait voulu qu'elle ne reçût de consolation que de lui seul. Cependant, il était tout aussi essentiel pour lui de déguiser son mécontentement que ses espérances, et certain que ce n'était qu'en trouvant moyen de lui plaire qu'il pourrait se flatter de gagner son cœur, il eut soin, au retour de Cécile, de prendre un air plus ouvert. Miss Beverley, bien persuadée qu'elle ne lui devait que des égards, se conserva précieusement le droit d'agir par elle-même, désirant néanmoins de pouvoir dans l'occasion recourir à ses conseils. Elle lui dit d'où elle venait, la rencontre qu'elle avait faite de Belfield, l'inquiétude des parents, et lui témoigna l'envie qu'elle aurait qu'il en fût informé. M. Monckton, empressé de l'obliger, alla aussitôt le chercher, et lui dit en rentrant que, par le moyen du libraire, qu'il n'avait pas eu l'adresse de se défier de ses questions, il était parvenu à le découvrir, et l'avait invité à déjeuner pour le lendemain. Il l'avait trouvé, ajouta-t-il, occupé à écrire, et content de son sort. Il avait d'abord refusé son invitation parce qu'il ne se croyait pas assez bien vêtu. Mais lorsque M. Monckton lui plaisantait sur la vaine et fausse gloire qu'il conservait encore, il l'avait assuré gaiement qu'il ne tarderait pas à s'en défaire, et qu'elle s'accordait peu avec sa philosophie, déclarant qu'il voulait absolument y renoncer et, malgré sa métamorphose, continua à le voir comme auparavant. « Je n'ai pas cru devoir lui parler, » continua M. Monckton, « de l'inquiétude de sa famille. J'ai pensé que, venant de vous, cet avis produirait plus d'effet. Comme vous en avez été témoin, vous la lui peindrez mieux. » Cécile fut très reconnaissante de cette complaisance et elle jouit d'avance de la satisfaction qu'elle espérait procurer bientôt à Henriette, en lui rendant un frère qu'elle aimait et regrettait si vivement. En attendant, elle envoya chez M. Briggs pour lui dire que M. Delville se rendrait chez elle le surlendemain à midi et qu'elle espérait qu'il voudrait bien s'y trouver.